Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Groove avec Nathan. Et aujourd'hui, j'accueille Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Nathan, bonjour à nos chers auditeurs. C'est parti pour une heure de set Funky House. C'est parti, en avant la musique. Beh, facciamo una cosa in relax. I'm not a fool. Mangiato forse troppo. L'ultimo whisky mi ha reso un poco tocco. La sigaretta è l'ultima di cento. E sono stanco. Di colpo mi addormento. Ehi, mamma, cosa mi prende? Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, no. Ehi, hey, cos'è? Una notte senza te. Ehi, hey, cos'è? Una notte senza te. Ti sto sognando in abito da sera. E all'improvviso va giù la giarrettiera. Gli spogli bianchi, ma sono due pere cotte. E dai le gambe più corve di una botte. Non ci credo, non ci credo, no. Ehi, mamma, cosa ti prende? Non ci credo, non ci credo, no. Ehi, cos'è? Una notte senza te. Ehi, cos'è? Una notte senza te. Mi baci piano, mi mordi forte il collo. E mentre urlo, mi freghi il portafoglio. Porca miseria, perché quelle candele? E le lenzuola? Perché le hai messe nere? Oh. Ehi, mamma, cosa mi prende? Non ci credo, non ci credo. Ehi, mamma, cosa mi prende? Non ci credo, non ci credo. Ehi, cos'è? Una notte senza te. Ehi, cos'è? Una notte senza te. Svegliato, telefono tra noi, stavi dormendo, beh, scusami se puoi. Motore. tante luci e un'autostrada, ed il resto lo sa Dio. Senti, senti, senti quanto forte l'amore va. Nel tuo cuore la benzina, questa volta basterà. Quest'amore. Più forte. Vai. Quest'amore. E non fermarti. Non fermarti. Un motore. Più forte. Più forte. E non fermarti. Quest'amore. Quel régal, Rémi, quel régal. J'ai quelques petites questions à te poser. J'aimerais savoir pourquoi tu as commencé à jouer de la musique et depuis quand tu joues de la musique. Bah écoute, moi je dispense des cours de sport depuis plus de 10 ans maintenant et puis plutôt orienté chorégraphie, danse, etc. Donc ça me paraissait pertinent, tu vois, de poser mes sets et de bouger dessus, quoi. Donc c'est ce qui m'a... J'ai mis le pied à l'étrier et puis j'ai poursuivi et puis progressivement, tu vois, ça a pris une autre dimension, je peux le constater. Et est-ce que les personnes qui font des cours de sport avec toi apprécient cette douce musique ? Eh ouais, elles y sont sensibles, enfin pour la plupart, je pense, et ça donne un petit plus, je pense, par rapport à un CD, tu vois, que tu insères, une préparation derrière, chorégraphie, musique, tout ça assemblé, ça me paraît pas mal. Ça donne envie. Et une petite dernière question avant de reprendre là. Quelles sont tes influences musicales majeures ? Alors, initialement, moi, mes parents ils m'ont un peu baigné dans la musique, tu vois. C'était le disque à l'époque, donc plutôt soul, plutôt disco et du rock également. Mais ça a commencé tout petit et puis j'ai affûté j'ai affûté tout ça par la suite. Et ben on dira merci à papa et merci à maman, et on repart sur le set de Rémi. Oh, vous êtes toujours sur l'Instant Groove pour une heure de set avec Rémi, DJ Funky House. On se retrouve avec Rémi encore une fois. Merci Rémi, quel régal, je sais pas chez vous, mais ici il commence à faire chaud dans le studio et ça me donne envie de me trémousser. Rémi, j'ai encore quelques petites questions pour toi, tu te doutes bien. Rémi, ton prénom est donc Rémi, et ton autre scène aussi. Pourquoi n'avoir pas changé cela ? Mais ouais, pas très créatif hein, le type. Hein. Ah, toujours compliqué de trouver un avatar, un pseudo. Pour ma part, bah, j'ai joué simple, hein, mon nom de naissance. Bien joué pour la simplicité. Tu comptes pas changer de... Qui sait, hein, va falloir saisir l'opportunité quand ça me parviendra. Ou suggérer peut-être. Voilà, c'est selon, mais c'est pas exclu, effectivement. Ça marche, Rémi. Une petite dernière question avant de reprendre. Qu'espères-tu dans le futur, dans le monde de la musique ? Eh bien, je pense qu'on emprunte la bonne voie, comme je te le disais tout à l'heure. Hein. Au départ, ça commence de court et... Pour l'heure, voilà, on se retrouve sur Radio Fadjet et faire connaître un peu notre univers, le proposer, que ce soit sur radio ou dans des établissements. Je pense qu'on y reviendra par la suite. C'est ça, on y reviendra par la suite avec l'association Rendez-vous Esqui. Mais pour l'instant, place à la musique. Fighting, scandal or shame. Écoutez bien ce qui arrive parce que c'est ma musique préférée. Separou. Se alguém ligou. Ooh, I don't think I'm ever alone. Out alone. Haunted by you, haunted by your voice in my mind. Ooh, I can't find the strength of my own. I can't find the strength of my own. C'est pas vous, mais le soleil vient de se coucher, je suis au bord d'une plage, et là, ça commence à faire vraiment plaisir. Mon cher Rémi, j'ai encore quelques petites questions à te poser. J'aurais voulu savoir s'il y a un artiste en particulier t'inspirer, et quelles qualités tu aimes chez lui. Toujours compliqué hein, de nommer un artiste en particulier. Si je devais considérer leur présence, ce serait Bruce Springsteen. Voilà. Parce que généreux. Enfin, voilà, le gars, il est proche de son public. Il a une bonne lecture, je trouve. Il arrive à ajuster son ambiance par rapport au contexte de ses concerts. Et en tout cas, voilà, j'essaye. Je pense qu'un DJ, un disque jockey, quelqu'un qui joue des titres. Il y a un gros plus, c'est de s'approprier un peu l'univers du lieu, du public, et proposer quelque chose d'adéquat, tout en restant à son écoute. Et en parlant de Bruce Springsteen, t'aurais aimé le voir en concert ? Eh ben, je vais le voir en concert. Ah. C'est une première pour moi et ça joue au mois de mai. Voilà, génial. À Paris. Quelle chance. J'ai une petite dernière question pour toi, Rémi, avant de reprendre. Comment tu arrives à gérer ton stress avant de mixer ? Je ne trouve pas particulièrement stressé, certainement du fait d'être habitué à avoir du public devant moi. Voilà, et de travailler avec eux, donc. C'est avant tout un plaisir, hein, tu vois, donc même s'il peut y avoir des petits coups de chaud sur des coupures de son, des choses un peu insolites ou imprévues, mais d'une manière générale, non, c'est plus du plaisir qu'une source de stress. Alors, quel plaisir de devoir mixer là aujourd'hui, Rémi, et on va repartir sur notre plage. Et ouais, et on poursuit avec Low Deep Tea, le titre c'est Casablanca. Impeccable, Rémi, merci beaucoup, et c'est parti. My feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. Yeah. merci Rémi pour ce voyage qui continue sur l'Instant Groove. J'ai encore quelques petites questions pour toi Rémi. Quel a été pour toi le meilleur morceau que tu nous as joué aujourd'hui ou que tu vas nous jouer ? J'aime tous les morceaux que je diffuse. Enfin, un petit clin d'œil à Pino D'Angio peut-être, qui a amorcé le set aujourd'hui. Et on peut également penser à ce titre en cours, là, remixé par Jamie Lewis, qui est un pionnier de la funky disco house. Et puis, au départ, c'est un titre de Céron. Alors, inutile de présenter le gaillard, mais du costaud, quoi. Super, merci Rémi. Pino D'Angio, qui est d'ailleurs notre jingle d'émission. Et Rémi, on peut t'écouter où, à part actuellement à la radio Fadjet ? Eh bien, je dirais que j'ai une plateforme SoundCloud, Audace Records, qui permet effectivement de retrouver des playlists collaboratives sur lesquelles j'alimente voilà, au gré de mes écoutes. Sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur des événements ponctuels. Et c'est quand le prochain événement ? Bah, je pense notamment à jeudi prochain, c'est jeudi en 20, hein, de bonne mémoire. Jeudi 20 avril, oui. Ouais, jeudi 20 avril, chez Un Peu Boco, à Vendeuvre. Au 4 rue des Écuries, exactement. Et ouais, on va proposer un after work. Et je pense que l'idée, c'est de reproduire l'expérience. En tout cas, ça se joue jeudi prochain, à compter de 19h, chez Un Peu Boco. Et on a un passage aussi sur Épinal. Au Pint House. Au Pint House, vendredi. Exactement. Vendredi. 19 mai, 19 il me semble. Voilà, donc c'est le week-end de l'Ascension. Exactement. Et je vous invite à passer par Épinal, si ça vous tente. Ça peut être un bon point de chute. Et on rappelle aussi que la semaine prochaine, Un Peu Boco, il y aura un esprit guinguette, disco, funk, boule à facettes et aussi des jeux de plein air. Je pense qu'on va reprendre, Rémi. Ou peut-être une petite dernière avant de reprendre et de terminer et clôturer cette émission. As-tu des personnes qui te suivent et qui t'épaulent sur ce que tu fais ? T'en fais partie, Nathan. Hein. Voilà, t'es bien placé, puisque Nathan, pour rappel, est président de l'asso Rendez-vous Exquis, grâce à laquelle bah, on peut justement proposer des événements, un festival notamment à la Vosges-les-Bains, là, au mois de juin. Ça joue sur le deuxième week-end de juin. C'est ça, le 9, 10 et 11 juin 2023 à voilà. La Boum les Bains. Et donc, voilà, il y a un esprit d'équipe. Et je pense que voilà, il y a nos plus proches aussi qui répondent présents sur la plupart de nos événements. Radio Fadjet, voilà, qui nous donne un petit coup de boost aussi. Je pense qu'il y a des acteurs locaux qui jouent le jeu. Donc, on a des personnes sur qui compter en tout cas ici. Super, merci. Et Rémi, as-tu un dernier plaisir coupable en musique ? Plaisir coupable en musique, associé à la musique plutôt peut-être. Oui, oui. Ah, j'ai un penchant pour la baie de Genièvre. Voilà, donc associer un petit set avec un verre frappé de gin. On rappelle quand même que la consommation d'alcool est à consommer avec modération. Bien sûr. Ouais, non, pas de réinciter personne, mais en tout cas, n'hésitez pas à y associer un peu de badiane et de romarin. Voilà, en tout cas, ça peut se coupler avec du bon son. Et en parlant de bon son, on termine l'émission Instant Groove. Il nous reste actuellement 7 minutes et j'espère qu'on vous fait voyager comme ici on nous fait voyager. Qui va nous laisser le temps de proposer un dernier morceau. Merci Nathan. Merci à toi Rémi. Et on tenait à remercier Radio Fadjet pour leur accueil. Et merci d'avoir écouté l'Instant Groove. Sound waves to my brain.